l'on vaut mieux que ça? Est-ce que l'on vaut mieux que soi? Et toi tu dis quoi de ça? Et toi tu fais quoi pour toi? Mieux comme ça. Et tu fais n'importe quoi, et tu mérites mieux que ça. Elle de l'amour, c'est pas ça. Ta guerre, c'est pas mon combat. Mieux comme ça. Et où t'as mal, tendez-moi pour toi et moi. Pour la version, t'as le choix, où est l'envers, où est l'endroit. C'est beaucoup mieux comme ça. Pour ça.